Je ne souffrirais point si j'étais que de vous, que jamais d'Henriette il pût être l'époux. On me ferait grand tort d'avoir quelque pensée que là-dessus je parle en fille intéressée, et que le lâche tour que l'on voit qu'il me fait jette au fond de mon cœur quelque dépit secret. Contre de pareils coups, l'âme se fortifie du solide secours de la philosophie, et par elle on se peut mettre au-dessus de tout. Mais vous traiter ainsi, c'est vous pousser à bout. Il est de votre honneur d'être à ses voeux contraires, et c'est un homme enfin qui ne doit point vous plaire. Jamais je n'ai connu discourant entre nous qu'il eût au fond du cœur de l'estime pour vous. Petit sot. Quelque bruit que votre gloire fasse, toujours à vous louer, il a paru de glace. Le brutal. Et 20 fois, comme ouvrage nouveau, j'ai lu des vers de vous qu'il n'a point trouvé beau. Impertinent. Souvent nous en étions aux prises, et vous ne croiriez point de combien de sottises. Et doucement, de grâce. Un peu de charité, madame, ou tout au moins un peu d'honnêteté. Quel mal vous ai-je fait? Et quelle est mon offense pour armer contre moi toute votre éloquence, pour vouloir me détruire et prendre tant de soin de me rendre odieux aux gens dont j'ai besoin? Parlez, dites, d'où vient ce courroux effroyable? Je veux bien que madame en soit juge équitable. Si j'avais le courroux dont on veut m'accuser, je trouverais assez de quoi l'autoriser. Vous en seriez trop digne. Et les premières flammes s'établissent des droits si sacrés sur les âmes qu'il faut perdre fortune et renoncer au jour plutôt que de brûler des feux d'un autre amour. Au changement devenu, l'horreur ne s'égale, et tout cœur infidèle est un monstre en morale. Appelez-vous, madame, une infidélité, ce que m'a de votre âme ordonné la fierté? Je ne fais qu'obéir aux lois qu'elle m'impose, et si je vous offense, elle seule en est cause. Vos charmes ont d'abord possédé tout mon cœur. Il a brûlé 2 ans d'une constante ardeur. Il n'est soins empressés, devoir, respect, service, dont il ne vous ait fait d'amoureux sacrifices. Tous mes feux, tous mes soins ne peuvent rien sur vous. Je vous trouve contraire à mes voeux les plus doux. Ce que vous refusez, je l'offre au choix d'une autre. Voyez, est-ce, madame, ou ma faute ou la vôtre? Mon cœur court-il au change, ou si vous l'y poussez, est-ce moi qui vous quitte ou vous qui me chassez? Appelez-vous, monsieur, être à vos voeux contraires que de leur arracher ce qu'ils ont de vulgaire, et vouloir les réduire à cette pureté où du parfait amour consiste la beauté? Vous ne sauriez pour moi tenir votre pensée du commerce des sens net et débarrassé, et vous ne goûtez point dans ses plus doux appas cette union des cœurs où les corps n'entrent pas. Vous ne pouvez aimer que d'une amour grossière, qu'avec tout l'attirail des nœuds de la matière. Et pour nourrir les feux que je vous en produis, il faut un mariage et tout ce qui s'ensuit. Ah, quel étrange amour! Et que les belles âmes sont bien loin de brûler de ces terrestres flammes. Les sens n'ont point de part à toutes leurs ardeurs, et ce beau feu ne veut marier que les cœurs. Comme une chose indigne, il laisse là le reste. C'est un feu pur et net, comme le feu céleste. On ne pousse avec lui que d'honnêtes soupirs, et l'on ne penche point vers les sales désirs. Rien d'impur ne se mêle au but qu'on se propose. On aime pour aimer, et non pour autre chose. Ce n'est qu'à l'esprit seul que vont tous les transports, et l'on ne s'aperçoit jamais qu'on est un corps. Pour moi, par un malheur, je m'aperçois, madame, que j'ai, ne vous déplaise, un corps, tout comme une âme. Je sens qu'il y tient trop pour le laisser à part. De ces détachements, je ne connais point l'art. Le ciel m'a dénié cette philosophie. Et mon âme et mon corps marchent de compagnie. Il n'est rien de plus beau, comme vous avez dit, que ces vœux épurés qui ne vont qu'à l'esprit, ces unions de cœur et ces tendres pensées du commerce des sens si bien débarrassés. Mais ces amours, pour moi, sont trop subtilisés. Je suis un peu grossier, comme vous m'accusez. J'aime avec tout moi-même, et l'amour qu'on me donne en veut, je le confesse, à toute la personne. Ce n'est pas la matière à de grands châtiments. Et sans faire de tort à vos beaux sentiments, je vois que dans le monde, on suit fort ma méthode, et que le mariage est assez à la mode, passe pour un lien assez honnête et doux pour avoir désiré de me voir votre époux, sans que la liberté d'une telle pensée ait dû vous donner lieu d'en paraître offensé. Eh bien, monsieur, eh bien, puisque sans m'écouter, vos sentiments brutaux veulent se contenter, puisque pour vous réduire à des ardeurs fidèles, il faut des nœuds de chair, des chaînes corporelles. Si ma mère le veut, je résous mon esprit à consentir pour vous à ce dont il s'agit. Il n'est plus temps, madame. Une autre a pris la place. Et par un tel retour, J'aurais mauvaise grâce de maltraiter l'asile et blesser les bontés où je me suis sauvé de toutes vos fiertés. Mais enfin, comptez-vous, monsieur, sur mon suffrage quand vous vous promettez cet autre mariage? Et dans vos visions, savez-vous, s'il vous plaît, que j'ai pour Henriette un autre époux tout près? Eh, madame, voyez votre choix, je vous prie. Exposez-moi de grâce à moins d'ignominie et ne me rangez pas à l'indigne destin de me voir le rival de monsieur Trissotin. L'amour des beaux esprits qui chez vous m'est contraire ne pouvait m'opposer un moins noble adversaire. Il en est, et plusieurs, que pour le bel esprit, le mauvais goût du siècle a su mettre en crédit. Mais monsieur Trissotin n'a pu duper personne, et chacun rend justice aux écrits qu'il nous donne. Or, séant, on le prise en tout lieu ce qu'il vaut. Et ce qui m'a 20 fois fait tomber de mon haut, c'est de vous voir au ciel élever des sornettes que vous désavoueriez si vous les aviez faites. Si vous jugez de lui tout autrement que nous, c'est que nous le voyons par d'autres yeux que vous.